Exercice 10, page 149. A. C'est mon stylo. Transformer. Ce sont mes stylos. B. C'est ta serviette. Transformer. Ce sont tes serviettes. C. C'est son plaisir. Transformer. Ce sont ses plaisirs. D. C'est leur surprise. Transformer. Ce sont leurs surprises. C. C'est notre histoire. Transformer. Ce sont nos histoires. D. C'est votre assiette. Transformer. Ce sont vos assiettes.